Et comme chaque lundi, maintenant, on retrouve Raymond Poirier pour sa chronique technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, on parle de ville ouverte au sens numérique du terme. Dis-nous-en un petit peu plus. Oui, ben enfin, on connaît déjà un peu le principe des données ouvertes. On voit un peu passer des éléments en lien avec la ville intelligente et le reste. Et à travers toutes ces mesures-là, on parle toujours d'éléments qui doivent être au bénéfice des citoyens, au bénéfice d'une plus grande ouverture. Alors, il y a des gens du côté de l'Europe, du côté de la Commission européenne, qui proposent d'utiliser peut-être un peu plus le vocable Open City, donc ville ouverte, pour qualifier les villes qui visent justement à assurer et à faciliter le transit d'informations entre l'administration municipale et les citoyens. Et eux disent, regardez, tout ça, ça devrait être basé sur trois grands axes, trois grands principes, donc la notion justement de transparence, donc savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, également la notion d'engagement, donc l'idée que la population peut influencer la façon par laquelle leur gouvernement s'engage dans le développement de différentes politiques, différents projets, etc. Et troisième axe, qui est un peu la notion de responsabilité. Donc, que le gouvernement doive se porter garant, si on peut dire, de cet engagement-là, de cette transparence-là, et dans le fond, de permettre aux citoyens et citoyennes de faire un suivi, d'agir comme chaîne garde, si on peut dire, auprès de leur municipalité, mais de manière efficiente plutôt que simplement en théorie. Donc, c'est un peu ce qu'on dit autour du concept de ville ouverte, et avec l'idée que si ces éléments-là obtiennent une réponse favorable à la part des administrations, nécessairement, le citoyen va trouver peut-être plus facilement sa place. Nécessairement, le citoyen va pouvoir mieux accomplir son rôle de citoyen, si on peut dire, versus sa ville, dans ce dialogue-là et le reste. Et nécessairement, les villes devraient être aussi plus facilement à l'écoute des besoins de leur population. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de données, alors, pour ça? Oui, parce qu'on tombe un peu dans la notion de transparence, qui est un peu le degré A. Alors, donc, quel genre d'informations on devrait de facto en disponible pour pouvoir se réclamer, si on peut dire, ville ouverte. Alors, on dit notamment, il y a des notions autour des gouvernements, des officiels du gouvernement. Donc, dans la mesure où quels sont leurs titres, leurs fonctions, évidemment, mais aussi quels étaient un peu leur parcours, leurs anciennes relations d'affaires, quelle est la nature de la relation de ces anciennes entreprises avec le gouvernement en place, quels sont leurs intérêts au niveau d'investissement, quel est leur revenu, etc. Donc, d'avoir vraiment un portrait détaillé de l'administration étatique, donc la très haute administration et tout particulièrement les élus. Évidemment, en parallèle, il y a la notion de budget, donc l'idée de rendre disponible pas seulement dans un gros document PDF de 50 pages le budget municipal, les plans d'investissement et le reste, mais de les rendre à travers des plateformes qui permettent justement aux citoyens de chercher facilement l'information, d'aller voir un peu, de comprendre la nature du budget qui est en place, les taxes, les investissements et le reste. Donc, est-ce qu'on parle d'infographie, par exemple, pour que ça soit plus clair, quelque chose de plus visuel, justement? Peut-être plus visuel, peut-être des outils de recherche, peut-être des éléments où on peut transformer chiffres en tableaux et le reste. Donc, d'avoir quand même quelque chose d'assez ergonomique, parce que, dans le fond, c'est toujours un peu le principe. Si on rend simplement... En fait, il y a une notion de rendre disponibles les données, qui c'est un peu les données ouvertes, au bout du compte, et il y a la notion aussi de rendre compréhensibles les données. Et l'un n'est pas nécessairement lié à l'autre, parce que les données ouvertes, l'open data, l'idée, c'est simplement de rendre disponible des jeux de données en format facilement applicable dans le développement d'applications, mais nécessairement, on pourrait s'imaginer que dans ces développements-là, exemple, des applications au niveau budgétaire pourraient être pensées, pourraient être accompagnées pour justement rendre les choses plus compréhensibles. À ça, on peut ajouter évidemment toute l'information au niveau des affaires, donc quel est le marché d'affaires dans une ville. Au niveau démocratique, qui contribue aux différentes caisses des différents partis, à quelle hauteur. Donc, ça soit disponible sur le web plutôt que sur le site web de différentes instances, si on peut dire. Donc, que ça soit vraiment dans un site central. À ça, on peut ajouter aussi les violations au niveau de différents codes. Code du bâtiment, code alimentaire et le reste. Donc, tous les éléments législatifs pour lesquels il y a violation devraient être rendus facilement disponibles, encore là, dans un site un peu plus central. Les permis de construction, le taux de criminalité, les activités des lobbyistes, la diffusion des lots des différents terrains de la municipalité, les contrats fournis par les municipalités, les appels d'offres. Encore là, on est dans le spectre des éléments qui sont déjà en ligne, mais l'idée, c'est soit ben, justement de féliciter celles qui le rendent disponible en ligne, de forcer celles qui ne l'ont pas rendu en ligne, et de s'assurer qu'il y a une compréhension, parce que je reviens avec ça. Ensuite, on ajoute ben les édifices publics, l'inspection des restaurants, les demandes de services qui sont fournies au niveau des villes. Par exemple, si je dépose une plainte, si je dépose une signalisation d'un nid de poule dans une route, si je signale qu'il y a un problème avec un feu de circulation, ben comment les autres citoyens font pour savoir si ça a déjà été souligné? Est-ce qu'il y a eu un suivi à cette demande-là? Elle s'est faite auprès du citoyen qui fait la demande, mais pourquoi pas rendre la chose publique de manière un peu plus large? Après ça, ben, on parle des dépenses, on parle d'informations sur le transit, le zonage, ou encore même, et on pousse un peu plus loin, l'idée de rendre disponible la fréquentation des sites web gouvernementaux. Donc, qui va fréquenter quelle page? Et en même temps, ben, peut-être de pouvoir, justement, permettre aux citoyens d'avoir un peu plus de bagages d'informations dans le contexte du dialogue qu'ils vont entamer, si on peut dire, avec la ville. Donc, plus le citoyen est bien informé, plus le citoyen peut bien s'informer, ben, on peut s'imaginer que plus son dialogue, plus sa participation va être constructive, parce qu'il va avoir accès aux informations qui ont été générées par l'administration municipale à tous les degrés. Mmh. Ça a demandé de gros efforts donc de la part de ces institutions pour s'y mettre. Fort probablement. Ouais. D'ailleurs, là où ont été testés tous ces cas que tu as énumérés parmi tous ces exemples, on parle de la Lituanie et de la Finlande qui ont testé ça. Oui, en fait, la Lituanie, c'est un organisme qui s'appelle Transparency International Lithuania, donc TI Lituania, qui ont développé un index de la transparence qui offre un classement des 60 municipalités du pays en fonction de l'information justement disponible publiquement. Donc, c'est sur georgikokepur.it. Évidemment, c'est en lituanien, voilà. Ouais. Donc, on n'est pas sûr de la prononciation, c'est oui, ça? Oui, effectivement. Et si vous allez faire un tour là-dessus, ben, probablement que vous ne comprendrez pas nécessairement tout. Mais ils ont été chercher justement ces différents éléments de classement-là pour s'assurer que les villes ont rendu cette information disponible là, savoir quelle information manque également, et donc ça permet aux citoyens d'avoir quand même des statuts assez précis là, de savoir même les cadeaux qui ont été fournis aux officiels, de savoir chaque vote individuel de chaque élu, d'avoir des accès plus faciles en recherche aux minutes du conseil municipal, etc., les budgets, donc un peu tout ce qu'on a parlé tantôt. Donc l'idée, c'est de s'assurer que c'est disponible. Et parallèlement, ben il y a aussi la notion de rendre la chose compréhensible, comme on parlait tantôt. Mm-hmm. Alors eux ont décidé de faire sur leur site justement un espèce d'outil en ligne qui va aller chercher les différents éléments d'information rendus publics, et donc à partir dans le fond différentes approches de classement, mais on peut avoir des ensembles d'informations, exemple sur les élus et le reste, donc d'avoir un espèce d'agrégateur, si on peut dire, qui va nous épargner la charge d'aller voir sur 12 sites ou en 12 endroits s'il y a lieu pour obtenir cette information-là. Et ces expériences ont été menées sur combien de temps à peu près? On a une idée? Ben, en fait, c'est en place depuis déjà plusieurs années. Je dirais, en fait, il y a certains pays qui ont vraiment une volonté, si on peut dire, depuis un certain temps, d'essayer d'accompagner le plus possible ce dialogue-là. Parallèlement, en fait, autre exemple, celui d'Helsinki, je parlais de l'idée de signaler les feux de circulation, mais en fait, les plaintes qu'on fait quotidiennement, mais eux, ils ont carrément un outil en ligne qu'ils ont mis en place il y a quelques années qui s'appelle kerokartala.hel.fi, si on veut y aller le chercher. En français, ça serait « Tell it on the map ». Donc, l'idée, c'est qu'on a une carte de la ville. Si on signale quelque chose, on va sur la carte, on le met. On voit automatiquement s'il y en a d'autres qui l'ont signalé. Donc, on peut simplement rajouter notre voix à la leur. Donc, l'idée, ça permet aux officiels de voir rapidement en temps réel les plaintes qui sont générées. Les citoyens, la même chose. Et parallèlement, tout ça dans un contexte aussi où, autant pour ces États-là que d'autres, mais il y a quand même un facilitateur qui est engagé par le numérique. Donc, l'idée que c'est beaucoup plus facile de consulter les gens aujourd'hui. Et encore là, on revient à d'autres exemples, si on reste dans notre axe lituanien par exemple, donc ou l'axe finlandais, ben l'idée de maximiser, de faire de plus en plus de consultations en ligne, de profiter de cet outil-là pour aller chercher l'opinion des citoyens, l'avis des citoyens, pour faire des suivis, pour faire des relances, donc pour consulter les gens finalement et s'assurer qu'ils ont un accès facile pour aller présenter leur opinion. Ça va être beaucoup plus interactif, donc, et beaucoup plus direct, c'est tout ce qu'on espère. Est-ce qu'on peut aussi espérer que ça arrive rapidement par chez nous, puisque ça attire l'attention? Oui, ben, il y a quand même déjà des éléments qui sont en place, et nécessairement, ben, c'est... Quand on parle de Québec Ville Intelligente, Montréal Ville Intelligente, il y a toujours une notion citoyenne qui vient au cœur de tout ça. Il y a déjà des données ouvertes qui sont disponibles. Le défi, c'est peut-être d'un côté d'inciter les développeurs à justement créer des applications, créer des outils. Il y en a quand même certains qui sont faits. Par exemple, il y en a un sur le temps d'attente, en fait, du moins le taux d'occupation des lits dans les urgences à partir de données qui sont rendues publiques. Bon, après ça, est-ce que c'est les bonnes données qui sont publiques ou non? Et le reste, ça, c'est d'autres débats. Donc, il y a quand même des initiatives qui ont été faites, mais parallèlement, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on est rendu peut-être à un stade où, du moins, ça c'est la conclusion de l'EPSI, une des conclusions du moins, il faut enseigner aux gens à participer. Dans la mesure où, aujourd'hui, c'est plus nécessairement un réflexe, c'est les gens n'ont pas toujours l'impression qu'ils peuvent avoir une assise. Donc oui, on met en place des initiatives, on en développe d'autres à partir de cette base-là, mais encore faut-il accompagner les gens aussi dans leur usage et changer les habitudes de la population, de dire, ben OK, maintenant, c'est plus une exception de pouvoir participer, ça devrait être votre réflexe en tant que citoyen, parce que nous, ça devient notre réflexe en tant qu'administration. Donc il y a un peu cet élément-là qui est considéré. Et eux disent qu'en parallèle, c'est aussi beaucoup l'option de responsabilité. Dans le fond, la ville doit être redevable de ça et doit être redevable des suivis, doit être redevable de fournir des standards aux citoyens pour qu'elle puisse évaluer la nature des suivis en fonction des mêmes critères que la ville, doit pouvoir être en mesure de bien répondre aux questions de la population ou de ses représentants, etc., etc. Donc, tout ça pour s'assurer que les choses soient faites comme elles doivent être faites, si on sollicite la population, évidemment, et avec, à la limite, un pouvoir de sanction aussi. Et donc, à la limite, en fait, et c'est même la grande conclusion, si on peut dire, de ce rapport-là, qui est, je rappelle, un rapport de l'EPSI, donc un organisme de la Commission européenne, qui disent, ben, nous, ce qu'on suggère pour l'Europe, c'est de rendre institutionnel et obligatoire ce standard-là de ville ouverte. Dans la mesure où si on veut que les villes le fassent, ben, à un certain niveau, oui, il va y avoir des villes qui ont envie de faire cette transformation-là, et qui ont les moyens de la faire, mais c'est pas le cas de toutes les villes. Parfois, le désir est là, les moyens y sont pas. Parfois, les moyens y sont, mais le désir n'y est pas. Alors, ben, de donner soit l'obligation d'avoir le désir, ou soit la possibilité d'avoir des budgets pour mettre en place ces éléments-là. Va falloir donc faire bouger quand même pas mal les mentalités par rapport à ça. Ça va être encore un grand débat en Europe, je pense. Probablement en Europe et ailleurs, parce qu'on en parle littéralement partout. Parce que le numérique, justement, offre des possibilités quand même extrêmement intéressantes. Mais le défi, c'est peut-être aussi, même dans le paramètre par lequel on envisage les choses. Parce que certains experts qui signalent justement qu'on devrait pas parler d'informatique, de gestion informatique, même de gestion des technologies ou de gestion du numérique, mais à la limite de gestion de l'information. Parce que ce qui est soutenu au bout du compte par ça, mais à la base, c'est de l'information. C'est le dialogue derrière cette information-là, le reste. Donc, d'avoir même une culture organisationnelle qui est liée plus à ce paradigme-là et ce paramètre-là qu'on veut mettre en place. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça me fait plaisir. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique technologie d'information. Il y a plusieurs événements qui arrivent que tu vas couvrir et tu vas nous faire des retours à chaque fois. Oui, et en fait, la semaine prochaine, on a un invité. On va parler culture et collaboration sur le web. Ouais, ça va toucher en plein dans l'émission stéréo locale. Merci beaucoup encore, Raymond.